Alors, une petite précision. Donc, je suis Estelle Rouquette, le conservateur du musée de la Camargue. Et interviendra avec moi Capucine Serre, qui est chargée du tourisme au parc naturel régional de Camargue et qui prolongera ma présentation, qui sera centrée sur le patrimoine et la valorisation du patrimoine. Et Capucine interviendra sur ensuite l'offre touristique et surtout sur la charte européenne du tourisme durable à laquelle le parc naturel régional de Camargue a adhéré et qui l'anime pour valoriser le patrimoine naturel et culturel du parc. Alors, je vous parle de l'embouchure du Rhône, qui est un delta, de l'île de Camargue, qui est à l'intérieur des deux bras du Rhône qui forment ce delta et ses embouchures. Le parc naturel régional dont nous allons parler, qui est vraiment le territoire sur lequel nous travaillons, Capucine et moi, qui est un parc créé dans les années 70, parmi les tout premiers parcs naturels régionaux de France. Je précise qu'en France, les parcs naturels ne sont pas des parcs, des réserves. Il y a plusieurs statuts de parcs, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et des réserves. En Camargue, nous avons une réserve qui est l'étang central du Vacarès. On voit... Oui, avec la flèche, tu as raison. Ah non, j'ai pas la... Si, j'ai la flèche, voilà. Ici, vous voyez ici, donc, le trait bleu démarque la réserve nationale de Camargue, qui est une réserve créée en 1927 et qui a été vraiment la toute première mesure de protection qui a été prise en Camargue pour protéger ce qui est aujourd'hui considéré comme le cœur de la Camargue, qui est l'étang du Vacarès. Cette réserve a été classée en 77 réserve nationale et elle est gérée par une association qui est l'Association de défense de la nature, la SNPN. Le parc de Camargue, dont je vais vous parler, donc un parc naturel régional. Donc les limites sont beaucoup plus larges. Vous voyez en bleu le pointillé qui marque le territoire du parc naturel régional. La limite ouest du parc est le Petit Rhône. Et la limite est, par contre, va au-delà du Grand Rhône, qui est considérée comme la limite de la Camargue, parce que lorsque nous avons révisé notre charte en 2012, il a été estimé et décidé donc que les espaces naturels qui sont sur la rive gauche du Grand Rhône ont autant de valeur patrimoniale. Et ce sont des zones humides également, comme l'intérieur de la Camargue, dont on va parler. Et donc, on a étendu le territoire du parc, qui se limitait autrefois, depuis 1970, depuis la création du parc, jusqu'à 2012. Le parc était limité par le Grand Rhône. Et donc, ça, c'est important, parce que c'est à la fois intéressant de constater, de dire... que cette zone, il serait inutile de protéger, de prendre des mesures pour protéger l'intérieur de l'île, alors que l'autre rive du Rhône, l'eau étant fluide, ce que nous pourrions nous recevoir de polluants, par exemple, je prends un exemple concret, un riziculteur qui traiterait ses rizières sur la rive gauche du Grand Rhône impacterait l'eau qui arriverait ensuite dans le Rhône par ruissellement, impacterait les rizières de l'intérieur de l'île. Voilà, donc c'est partant de ce principe que il a été décidé donc par les élus du parc. Et suite aux concertations avec les habitants et tous les usagers du parc, le parc allait s'étendre sur ce que l'on appelle le plan du bourg, voilà, mais qui est une zone naturelle humide, très proche et semblable à la Camargue. De l'autre côté, il existe un territoire que l'on appelle la Camargue, maintenant gardoise, et qui n'est pas dans le parc naturel régional. Donc je prends l'exemple d'Aigues-Mortes. Nous ne parlerons pas d'Aigues-Mortes puisque nous ne sommes pas concernés. Enfin, Aigues-Mortes n'est pas à l'intérieur du parc naturel régional de Camargue, bien que ce soit aussi un patrimoine culturel remarquable, mais sur lequel nous n'avons pas de, nous n'agissons pas. Donc le parc naturel régional de Camargue est une instance, c'est un médiateur, nous ne sommes propriétaires de rien, nous sommes tout juste gestionnaires de quelques propriétés que le conservatoire du littoral donne en gestion au parc, notamment ces espaces-là qui ont été achetés par le conservatoire du littoral récemment et que le conservatoire a donné en gestion au parc. Donc, Capucine et moi, nous avons des collègues qui sont gestionnaires de terrain et qui établissent avec le conservatoire du littoral des plans de gestion. Donc ça, c'est l'État, le conservatoire du littoral. Et donc, nous travaillons, ces collègues travaillent au service d'une propriété d'État. Et il y a le mas du pont de Rousty où se situe notre siège qui est ici, qui est aussi une propriété du conservatoire du littoral et que nous gérons. Nous avons donc la gestion directe de quelques propriétés ou terrains, mais le parc, lui, n'est qu'un médiateur qui va agir entre les usagers d'un territoire, ceux qui sont censés agir sur ce territoire, les élus, et tous les usagers, enfin les habitants, les agriculteurs. Et nous fonctionnons sur une charte qui est renouvelée tous les 12 ans. Donc dans cette charte sont actés, sont pris des engagements pour la protection du patrimoine naturel, culturel, pour améliorer ce qui ne va pas. Il y a des centaines d'engagements qui sont pris par ceux qui exploitent la Camargue, si l'on peut dire, pour le tourisme, l'agriculture, l'élevage, ceux qui la protègent, et les élus qui vont prendre des décisions au sein d'un comité syndical qui est en fait le haut de la pyramide du parc. Donc nous avons des élus de la région, des élus du département, des Bouches-du-Rhône. La région, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le département, c'est les Bouches-du-Rhône. Et les communes, sont Port-Saint-Louis-du-Rhône, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Arles. Les trois communes qui sont représentées à l'intérieur du comité syndical du parc. Et la commune la plus importante en surface étant Arles, puisque une grande partie du parc, la plus grande partie du parc est sur la commune d'Arles, c'est-à-dire jusqu'à Salins-Giraud. Voilà, tout ça, c'est ce que je suis là avec ma petite flèche. Hop, je passe par-dessus. Voilà, tout ça, c'est la commune d'Arles, jusqu'au Paty. Et la commune des Saintes est ici. Et donc, c'est une commune, avec celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui ont longtemps dépendu d'Arles, qui ont une histoire qui est mêlée à celle d'Arles, jusqu'à ce qu'elle devienne commune autonome, et un patrimoine qui est remarquable, notamment au Sainte-Marie-de-la-Mer, où il y a une église romane qui est reconstruite sur une église encore plus ancienne et sur un premier établissement chrétien qui date du 5e siècle. Nous avons à Salins-de-Giraud, ici, donc sur la commune d'Arles, mais ce qui constitue presque un village en Camargue, puisqu'il y a 2500 habitants, autant qu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Salins-de-Giraud, qui est une cité ouvrière qui a été bâtie par les compagnies Péchiné et Solvay pour récolter le sel et le transformer en soude. Et ce patrimoine industriel qui a longtemps été considéré comme le point noir de la Camargue est aujourd'hui en pleine reconnaissance et nous accompagnons notamment le parc, la mise en valeur de ce patrimoine industriel. Donc on va le voir un peu plus loin. Voilà, donc après bien sûr le patrimoine arlésien qui n'est pas dans le parc mais nous bénéficions du rayonnement d'Arles et de tout ce que le patrimoine arlésien peut attirer à la fois de visiteurs, mais aussi en termes d'image, bien sûr, rayonne à travers le monde. Et la Camargue aujourd'hui est elle aussi obtenu une reconnaissance qui va être bien sûr liée à celle d'Arles et à celle des agglomérations dont je vous ai parlé, mais elle est reconnue avant tout maintenant depuis les années 70, depuis que le parc naturel régional a été créé et que la médiatisation de la Camargue a dépassé les frontières française. La Camargue est surtout connue pour ses espaces dits naturels. Voilà. Et donc, c'est avec tout ce potentiel que nous devons agir pour à la fois le valoriser, le protéger, et aussi, donc, au sein du parc naturel régional de Camargue, ce qui va faire notre différence avec une réserve, c'est que les activités humaines qui se pratiquent à l'intérieur de notre territoire sont aussi précieuses pour nous que le territoire lui-même, puisque nous considérons, et ce qui est vraiment le fondement des parcs naturels français, c'est que ces parcs sont le fruit, enfin ces zones exceptionnelles qu'on va classer en parc, sont le fruit du travail de l'homme et de la nature. Il y a une interaction qui est aujourd'hui admise et reconnue, alors que dans les toutes premières années de cette démarche de protection de la nature, on a eu souvent tendance à exclure l'homme de la nature en le considérant comme un prédateur, un néfaste à son environnement, et donc sans non plus angéliser l'humain. Il faut reconnaître que les paysages de Camargue dont nous avons hérité aujourd'hui sont un patrimoine. Et c'est un patrimoine pas que naturel, c'est aussi un patrimoine culturel. Donc, d'un côté, alors ce qui a poussé, je vous montre ce qui nous menace de part et d'autre. Donc lorsque le parc a été créé en 70, c'était aussi pour faire face et pour en écho, si on peut dire, à la création dans les années 60 de la zone portuaire et industrielle de Fos, qui était bien sûr un projet d'utilité publique et contre lequel, il y avait... ce que je veux dire, je vais un peu... La zone sur laquelle a été implantée la zone industrielle de Fos était aussi exceptionnelle de par son environnement que la Camargue elle-même, les temps de Berre, les Fos même. Voilà. Simplement, voilà, il y a eu un argument d'utilité publique qui a fait que on n'a pas pu empêcher, ou du moins cet argument-là a primé sur celui de la protection de cette zone-là. Par ailleurs, à l'ouest, on a eu aussi, dans les mêmes années, le développement du littoral du Languedoc-Roussillon, avec la mission Racine, qui a permis, ou du moins poussé, suivi, encadré l'aménagement du littoral et ce qu'on va appeler les stations balnéaires du littoral languedocien, avec plus ou moins de réussite, pas que des erreurs ni des gros ratages, mais en tout cas, face à ces deux pressions, la pression foncière d'un côté d'un tourisme en développement et puis surtout la perspective d'une fréquentation de ces zones-là, puisque c'était ce que l'on voulait. De l'autre côté, la pression industrielle, on a voulu, donc le gouvernement français a voulu protéger ou du moins classer une zone tampon entre ces deux pressions. Et c'est la Camargue qui a été désignée, ou du moins qui s'imposait de par sa situation entre les deux bras du Rhône. Le Rhône étant vraiment perçu comme une frontière à ce moment-là. On s'est dit, ça va arrêter le tourisme d'un côté, ça va arrêter la pollution de l'autre, et au milieu, on va garder ce qui est dit naturel. Et c'est ce qui nous a un peu desservi, parce que, du coup, le naturel a chassé l'humain. On s'est dit, voilà, c'est une zone sauvage. Aujourd'hui, cette image de Camargue que l'on a voulu protéger, on a protégé plus un milieu, ce qu'on a montré comme un milieu naturel, ou qu'on a voulu faire passé pour un milieu naturel. Et du coup, les activités humaines, en dehors de ce qui a fait le folklore de la Camargue, le taureau, le cheval, le gardien et le flamant rose, les autres activités n'ont pas été valorisées et du moins, on les a un peu occultées, mises de côté. Donc, ce qui a fait la grande histoire de la Camargue, la viticulture, la riziculture, la saliculture, tout ça n'est pas rentré dans la démarche de valorisation. Par l'image au départ. Voilà, donc sur cette, en gros, je vous donne quelques chiffres. Donc le parc naturel régional de Camargue fait aujourd'hui 100 000 hectares, 10 000 habitants, donc c'est une zone très peu peuplée, tout simplement parce que la Camargue est restée longtemps insalubre et que jusque dans les années 1950, vivre en Camargue n'était pas de tout confort en fait. Et jusqu'à ce que la Camargue soit suffisamment médiatisée pour que l'on vienne vivre l'aventure camarguaise, qui suppose que l'on accepte un peu d'inconfort en contrepartie. Voilà, c'était les habitants, le peuplement est passé de 2000 habitants recensés au début du XXe siècle à 10 000 aujourd'hui. Ce qui est déjà beaucoup, mais c'est cette notoriété et la mise en tourisme de la Camargue sans qu'il y ait eu vraiment de volonté, mais forcément, le développement touristique du Languedoc-de-Roussillon a rejailli sur la Camargue, comme la médiatisation a attiré aussi de nombreux touristes en Camargue. Donc, à la base, il n'y a pas eu vraiment de volonté d'aménager la Camargue pour le tourisme. Mais ce dont parlera Capucine tout à l'heure, ce tourisme est là malgré tout et il faut aujourd'hui savoir comment l'accueillir et s'organiser pour l'accueillir. Donc voici quelques images donc, de la Camargue avec en haut ce qui ressemble beaucoup à l'affiche de l'exposition. Je n'ai pas fait exprès, mais je voulais pas. Donc des espaces, donc ça c'est le littoral, l'embouchure où les eaux se mêlent, eau douce et eau salée. Donc l'eau est à l'origine de tout en Camargue, bien sûr, et il n'y a pas une activité humaine qui ne nécessite pas de l'eau douce ou de l'eau salée. L'élevage, la chasse, la pêche, la saliculture, l'agriculture, bien sûr, la récolte de la sagne, qui est une spécificité camarguaise, jusqu'à l'ornithologie, quoi, hein, s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas les oiseaux que nous avons en Camargue. Et voici donc les paysages moins connus de la Camargue, donc ce sont les zones agricoles, les zones cultivées, avec ce qui est en eau, là, donc les rizières que l'on met en eau au mois de mai. Donc on peut imaginer que cette photo est prise au mois de mai. Voilà d'autres images. Alors quand je parle d'activités humaines qui façonnent le paysage, on a eu pendant bien longtemps la viticulture qui a fait le paysage en Camargue. Et donc ça, je vous étonne, je suppose, parce que la Camargue n'est pas connue pour son vin ni sa viticulture, mais c'est ce qui s'est développé à l'époque du phylloxéra, grâce à la submersion des terres qui était possible en amenant l'eau du Rhône. Donc on submergeait les terres pendant 40 jours en Camargue, et cette submersion protégeait les vignes du phylloxéra, et la Camargue est devenue le refuge de la vigne. Pendant une quarantaine d'années, de la fin du XVIIIe siècle, donc des années 1870, jusque dans les années 1920. Et la viticulture va continuer à se pratiquer jusqu'à ce que la riziculture prenne le pas pour en 1941-1942, pour pouvoir nourrir les Français, le gouvernement français du maréchal Pétain, à l'époque, a lancé la riziculture en Camargue en incitant les agriculteurs camarguais à changer la viticulture pour faire du riz pour nourrir les Français. Voilà, donc, ce changement, par exemple, a des incidences évidentes sur le paysage, c'est-à-dire que des vignes qui vont être submergées l'hiver ne produisent pas le même paysage que du riz qui va être submergé au mois de mai, qui va monter pendant l'été. Pour le riz, on a beaucoup abattu les haies, donc il y a de moins en moins de haies autour des parcelles. Les parcelles s'agrandissent. Puisque pour la culture extensive du riz, plus la parcelle est grande et plus la production est aisée. Et puis, ne serait-ce que les couleurs. Voilà, la vigne à l'automne, le bleu au mois de mai. Jusque dans l'architecture des masses qui va changer aussi, puisque pour la viticulture, on a construit des caves gigantesques, puisque la production était telle, on produisait jusqu'à 200 hectolectares et les masses avaient jusqu'à 200, 150 hectares de vignes. Donc, il était inimaginable de penser à des coopératives, comme en Languedoc-Roussillon, par exemple, pour la vigne. Donc, chaque masse avait sa cave, et des caves gigantesques la plupart du temps. Donc, ces caves sont bâties au 19e siècle, à proximité ou dans des masses qui sont la plupart du temps du 16e siècle. Et on a voilà une phase différente architecturalement qui va être visible aujourd'hui dans tous les masses. Alors ces caves aujourd'hui, malheureusement, la vigne ayant beaucoup réduit, on n'a plus que aujourd'hui 200 hectares peut-être de vigne en Camargue. Bien sûr, les caves ne sont plus utilisées et la plupart tombent en ruine lorsqu'elles ne sont pas reconverties en musée ou en restaurant. Il y avait aussi, je vous montre là les chevaux parce que l'élevage de chevaux en Camargue est bien connu, mais nous avons eu avant même les chevaux et les taureaux, les moutons, qui était vraiment l'élevage qui n'a pas été folklorisé, pour lequel la Camargue n'est pas connue, mais c'est l'élevage ovin qui primait en Camargue et qui a diminué du fait de la pression foncière, d'une part, et aussi parce que le taureau et le cheval étant folklorisés durant la deuxième moitié, enfin déjà dès la première moitié du XXe siècle, les chevaux et les taureaux ont augmenté en nombre. Et du coup, il a fallu des pâturages pour tous ces taureaux et ces chevaux. On avait une manade de taureaux au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y en a plus de 200. Donc, bien sûr, tout ce bétail a besoin de pâturage. Et donc, les moutons sont renvoyés ailleurs, pâturés, puisqu'ils ne rentrent pas aujourd'hui dans les activités humaines qui dominent la Camargue. Ce qui fait aussi qu'il y a les bergeries. Tous les masses avaient une bergerie au XIXe siècle pour rentrer les soirs d'hiver les moutons mérinos qu'il fallait garder à l'intérieur de la bergerie pour que leur laine soit bien hydratée et soit belle. Et ces bergeries aujourd'hui, chaque masse a une bergerie. De très belles bergeries dont on va voir des exemples plus loin. Et ces bergeries sont aussi à l'abandon. Donc c'est un patrimoine architectural vernaculaire, puisque les bergeries ont leur forme propre, tout comme les cabanes de gardiens, qui est aussi en voie de démolition ou de ruine. Donc les activités humaines qui font les paysages de Camargue aussi, donc la riziculture et la saliculture. Alors la saliculture en Camargue, dans l'île de Camargue, c'est une saliculture industrielle. Ce n'est pas le sel de table comme à Aigues-Mortes. C'est du sel qui ne sert qu'à l'industrie. Il a été utilisé pendant bien longtemps pour faire de la soude pour les savonniers de Marseille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Salin de Giraud a été implanté là, à proximité de Marseille, et pouvant envoyer la soude par voie fluviale ou maritime vers les savonniers de Marseille, auxquels on fournissait de la soude. Alors deux entreprises se sont installées à Salin de Giraud. La première qui est Péchiné, la compagnie Péchiné, qui récoltait le sel, et la seconde qui est arrivée en 1893, qui est Solvay, qui transformait le sel en soude. Et donc, ces deux compagnies ont construit des cités ouvrières qui font aujourd'hui le patrimoine non seulement bâti de la Camargue, mais aussi un patrimoine humain et immatériel extraordinaire, puisque à Salins-de-Giraud, nous avons une vingtaine d'origines différentes parmi la population, qui sont des Ukrainiens, des Grecs, des Yougoslaves, des Tchèques, des Allemands, qui sont venus pendant la première moitié du XXe siècle pour travailler à Salins, et qui quittaient leur pays pour des raisons politiques, économiques, climatiques ou autres. Donc voilà ce qui est par contre la part la plus connue de notre patrimoine culturel camarguais, qui est aussi un patrimoine naturel. Donc l'élevage, alors nous avons deux races de taureaux en Camargue, les taureaux la race d'Ibiaou, qui est la race locale, qui existe, alors on ne sait pas depuis quand, en tout cas on sait qu'au XVIe siècle, il existe déjà des taureaux proches de celui que vous voyez en bas, donc là c'est la race locale, dont les cornes sont plutôt élevées vers le ciel, et la race espagnole de taureaux qui va arriver au XIXe siècle et qui est... Ce sont donc des taureaux qui sont importés au XIXe siècle pour les besoins de la corrida qui se développe en France et dont il reste aujourd'hui 40 élevages. Et le plus vieil élevage de taureaux en Camargue est un élevage de taureaux espagnol, qui est l'élevage de Hubert Yonnet, enfin qui est celui de ses ancêtres, et qui sont des taureaux de race espagnole élevés pour les besoins de la corrida. Alors à l'origine, au XIXe siècle, il y a eu des mélanges, ce qui a fait que le taureau Camargue est devenu plus, il a pris de l'os, du muscle, du fait des croisements avec les Espagnols. Et contrairement à ce que le folklore va faire croire au XXe siècle, le taureau Camargue n'est pas 100% Camargue, il a du sang espagnol. Mais par contre, aujourd'hui, on a vraiment deux arbres généalogiques différents. On n'élève plus ensemble les Espagnols et les Camarguais, mais ils sont élevés sur les mêmes pâturages. Et par contre, la viande des deux élevages est une viande classée AOP taureau de Camargue. Parce que le cahier des charges des éleveurs espagnols de taureaux espagnols et de taureaux de race d'Ibiaou est le même. Et leur viande est indifféremment vendue sous le label, l'appellation d'origine contrôlée, AOP taureau de Camargue. Voilà. Et donc là, vous avez en bas une petite image qui vous montre les jeux taurins. Alors là, c'est un tableau du milieu du 19e siècle, qui montre la brivade, qui est en fait le changement de pâturage des taureaux encadré par des cavaliers, et ou bien la conduite des taureaux à l'arène. Quand on déplaçait les taureaux avant qu'on ait des camions, on les déplaçait comme ça entre cavaliers. Et c'était toujours un grand moment de liesse populaire parce que, bien sûr, les taureaux s'échappent ou on essaye de les faire s'échapper. Donc ces pratiques taurines sont à la base de ce qu'on va appeler la culture camarguaise qui, aujourd'hui, est vraiment mise en scène. Voilà. Alors que, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était des pratiques que l'on ne mettait pas en spectacle. Tout comme la ferrade, ça pouvait occasionnellement être mis en spectacle, mais ça se pratiquait la plupart du temps à l'intérieur des élevages, avec des amis de la famille ou des personnes qui fréquentent l'élevage. Voilà, donc le patrimoine bâti. Alors là aussi, nous avons des influences étrangères, notamment, bien, vous voyez ici, à Salins-de-Giraud, je vous ai parlé de communauté grecque. Nous avons donc une communauté de Kalymnos, d'une île grecque de la mer Égée. Et c'était des pêcheurs d'éponges qui, à l'origine, sont venus travailler en Camargue pour récolter le sel à Salins-de-Giraud pour la compagnie Pêchinet parce que les éponges avaient pris une maladie et donc ils étaient en difficulté économique. Et donc ils sont venus recrutés par des bateaux qui allaient dans la mer Égée, des bateaux de pêchinés qui recrutaient des pêcheurs d'éponges et qui sont aujourd'hui installés. Donc il y a 90 familles à Saint-Lin-de-Giraud, mais qui ont toujours gardé le lien avec la famille de Calimnos. Donc nous avons même un jumelage entre Calimnos et Arles. Et donc une église grecque qui en fait a été aménagée dans une ancienne poudrerie de la guerre de 14. On fabriquait des cartouches dans ce bâtiment qu'on appelle les minguettes, parce qu'il y avait toute une série de bâtiments en ciment comme ça qui étaient alignés les uns aux autres. On en voit un là ici, et les Grecs ont récupéré un de ces bâtiments pour faire une église orthodoxe. Voilà. Donc là, l'architecture classique de Camargue, donc un mas qui est le mas Cabassol, j'ai cherché le plus beau en plus. Avec, j'ai pris cette photo parce qu'il y a quand même des moutons que l'on ne voit jamais sur les cartes postales, mais il en reste en Camargue, 12 000, autant que de taureaux presque. Phare Amant, ici, donc qui est un phare. Ça, c'est une architecture aussi... il n'y a pas beaucoup de temps. Allez, j'arrête. Voilà. Et le patrimoine industriel, la tour Saint-Louis, l'église des Saintes-Maries de la Mer. Voilà notre patrimoine architectural résumé en quelques images. Donc le patrimoine culturel immatériel, avec aussi le sanctuaire des Saintes-Maries de la Mer, qui est un patrimoine religieux, avec un pèlerinage qui se déroule 3 fois dans l'année, mais dont le moment le plus connu est le mois de mai, puisque c'est aussi le pèlerinage des Gitans, qui lui aussi est rentré dans le folklore camarguais. Voilà, donc notre travail, nous, c'est de reconnaître ce patrimoine, de l'identifier, de le recenser. Donc nous faisons notamment l'inventaire du patrimoine bâti, mais aussi, moi, à travers le musée de la Camargue pour lequel je travaille, je recense le patrimoine culturel immatériel et des témoignages, donc beaucoup d'enregistrements sonores que je conserve au musée et que l'on diffuse dans le cadre d'expositions. Mais aussi, notre travail consiste, à travers le musée, à faire aborder le patrimoine sous un angle différent grâce à la création contemporaine. Et donc ça, c'est une de mes lignes, si je peux dire, de travail, de mes missions, c'est de vouloir ne pas se laisser se refermer le patrimoine sur lui-même, à s'arrêter à la simple conservation et valorisation du patrimoine, mais aussi inventer et créer le patrimoine de demain. Et donc ça, c'est un travail que nous avons fait avec l'artiste japonais Tadashi Kawamata. On a réalisé 5 workshops pendant 3 ans avec des étudiants qui ont rencontré des habitants. On a organisé des soirées d'immersion pour les étudiants qui travaillaient avec lui pour rencontrer les habitants de Camargue, apprendre à connaître la culture camarguaise. Et ils ont produit des œuvres dont on voit des exemplaires ici, qui sont pour la plupart des œuvres éphémères, sauf celle-ci. Et là, c'est une œuvre qui est installée, hop, on le voit là, à côté d'un puits à crémaillère sur les bords du Rhône. Donc ce travail consistait aussi à amener les gens qui ne visitent pas la Camargue en Camargue pour voir le patrimoine camarguais, mais pas celui que l'on montre d'habitude, le taureau, le cheval, le flamant rose, mais aussi le patrimoine hydraulique. Donc là, on a un ancien puits à crémaillère avec une prise d'eau qui date du XVIIe siècle. Et chaque fois que l'on a travaillé sur cette démarche contemporaine, c'était toujours par rapport au paysage, patrimoine naturel ou culturel, pour amener un autre public à voir le patrimoine, mais aussi pour les gens qui... Voilà, donc là, on voit d'un peu plus près faire cette station de pompage avec les... Donc là, c'est lors de la décise avec le bateau de Tadashi Kawamata. Là, c'est une table d'orientation et d'interprétation du paysage qui est installée à côté de la... Donc le projet n'est pas que de travailler sur l'art contemporain, mais d'associer aussi la valorisation des sites à la démarche. Et là, c'est un parcours que nous avons réalisé à Saint-Lin-de-Giraud. C'est toujours en cours avec les habitants de Saint-Lin. Nous réalisons un parcours d'interprétation du village dans lequel sont introduits des témoignages aussi d'habitants sur leur parcours de vie. Nous expérimentons aussi, donc là c'est avec la paille de riz, nous essayons de mettre en place une filière paille de riz pour utiliser les déchets de la riziculture pour construire. Mais voilà, vous voyez en bas le petit musée pour lequel je travaille, qui est dans une bergerie, là. Ça, c'est une cabane de gardien que nous avons rénovée avec un atelier participatif et une entreprise. Nous avons été récolter la sagne et puis nous avons mis en œuvre la toiture avec l'artisan. Voilà, et puis des visites que nous organisons. Donc là, on voit le château de l'Armelière. C'est aussi à travers la programmation culturelle du parc et du musée que nous faisons découvrir le patrimoine bâti. Et je laisse la place à Capucine, puisqu'on me dit que ça va. On a très peu de temps pour la suite. Donc, je vais essayer d'être assez concise. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment le parc va mettre en tourisme ce patrimoine naturel et culturel. On a, là, c'était un rapide retour sur les clientèles qui fréquentent notre territoire. Donc, c'est essentiellement, en termes de comptabilité, on a à peu près un peu plus de 800 000 touristes qui visitent les trois communes d'Arles, de Port-Saint-Louis et de Sainte-Marie. 57% de cette fréquentation se fait sur Arles, donc c'est quand même la principale ville attractive. Mais surtout, on estime à plus de 4,7 millions de personnes qui viennent visiter la Camargue à la journée. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a même un gros volume de personnes qui viennent sur nos territoires et forcément qui peuvent avoir un impact sur notre patrimoine naturel et même culturel. Donc les principales raisons qui poussent les gens à venir en Camargue, c'est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Et ils s'attendent aussi à trouver des produits locaux et à consommer assez local. Les taureaux, les chevaux, le soleil, la mer. On a quand même un tourisme, avec l'influence, Estelle l'a très bien expliqué, du tourisme de masse qui s'est développé dans les années 60. Et donc on a quand même beaucoup de gens qui viennent pour du tourisme balnéaire. Pendant l'été, essentiellement l'été, donc c'est 43% de la fréquentation touristique qui se fait donc pendant l'été, mais on arrive aussi à 45% de fréquentation touristique sur l'automne et le printemps, notamment pour visiter nos espaces naturels, le tourisme ornithologique notamment. Je reprenais un petit peu rapidement les retombées économiques. On peut voir que le tourisme est la principale activité économique du territoire. Il y a l'agriculture qui prend beaucoup de place et d'hommes, mais en termes de revenus, c'est certainement moindre. On a on a quand même un panier moyen journalier de 65 euros, ce qui est un très bon taux de consommation pour un touriste. On voit forcément que ce panier va essentiellement à l'hébergement et à la nourriture. Voilà. Donc aujourd'hui, on a les enjeux de ce territoire, c'est qu'on a des territoires de vie où il y a un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, où le tourisme devient un levier pour les ressources locales. Donc on va pouvoir, notamment à travers l'agritourisme, valoriser l'agriculture. Les agriculteurs vont accueillir des gens chez eux. On va pouvoir vendre sur les marchés nos productions. Mais on a de l'autre côté donc un patrimoine exceptionnel qui est assez fragile et qui est donc classé réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1977 et parc naturel régional depuis les années 70. Donc vraiment l'enjeu pour nous, parc, c'est de gérer l'équilibre entre ce développement local et la préservation des milieux. Et donc en termes de tourisme, on souhaite développer un tourisme durable dans ces espaces protégés. Donc aujourd'hui, on a défini une stratégie de tourisme durable. C'est grâce à la Charte européenne de tourisme durable qu'on a choisi de s'engager dans cette démarche de Charte européenne de tourisme durable. Et le premier volet, c'est l'espace protégé qui va définir une stratégie. Donc là, rapidement, notre stratégie s'articule autour de quatre axes principaux. Donc, structurer l'offre touristique en fédérant les acteurs. Là, on estime qu'on a quand même besoin que les acteurs apprennent à mieux se connaître, notamment entre les acteurs institutionnels que sont les offices de tourisme, le CDT, Comité départemental du tourisme, ou le Comité régional du tourisme, les acteurs de l'environnement, comme les parcs, les réserves, et tous les professionnels du tourisme qui travaillent sur le territoire. Ensuite, on va développer une offre de qualité en intégrant l'accessibilité. Donc là, on souhaite s'intéresser à tous les publics. Donc on peut travailler sur le label tourisme handicap, mais aussi avec des publics défavorisés, qui sont à proximité de nos villes, notamment à Arles, et qui parfois ne connaissent pas bien ce patrimoine naturel et culturel. Et ensuite, une offre de qualité sur le management environnemental. Donc là, on est quand même dans notre rôle. Et là, on accompagne notamment des hébergements, beaucoup de prestataires touristiques dans ce qu'on appelle la marque Parc Naturel Régional. Donc c'est un label qu'on décerne à des hébergeurs, à des manades de taureaux, des promenades à cheval, des sites de découverte qui répondent à un cahier des charges précis et qui va tenir compte notamment de composantes environnementales. Ensuite, on souhaite mieux répartir l'activité sur le territoire. Donc ça, c'est un très fort enjeu. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la fréquentation, elle est essentiellement l'été. Et en plus, elle est assez concentrée sur le centre urbain d'Arles, qui n'est pas dans le parc, mais surtout sur les Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc on a une forte pression sur les sentiers qui sont autour des Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc je pense à la digue à la mer, à la draille de Méjane qui entoure le Vacarès. Donc l'idée, c'est d'arriver aussi à favoriser du patrimoine comme il y a à Salins-Giraud pour amener des gens à découvrir autre chose de la Camargue. Et puis on travaille sur des animations où on incite les établissements et les professionnels du tourisme en général à être ouverts toute l'année. Ça, c'est vraiment un critère qui est important pour nous pour pouvoir accueillir ces touristes-là tout au long de l'année et de manière répartie sur le territoire. Enfin, il y a véhiculer une image cohérente et dynamique de l'espace. Ça, on a vu que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imaginaire autour de la Camargue, avec les chevaux, les taureaux, le flamant rose, et qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, et qu'en fait, on est dans notre rôle aujourd'hui de vraiment montrer autre chose. Alors, on s'aperçoit que le touriste classique va d'abord avoir besoin de voir du taureau, du cheval et du flamant avant de s'intéresser à autre chose. Mais en tout cas, voilà, on lui donne les outils pour découvrir ça assez rapidement, et puis on espère qu'au fur et à mesure, il va pouvoir revenir et découvrir d'autres choses. Donc voilà, rapidement, deux outils que le parc développe. Donc c'est la charte européenne de tourisme durable et la marque parc, qui sont des démarches de progrès que mettent en place les professionnels du tourisme ou le parc pour améliorer leur prestation. Et là aujourd'hui, c'est une carte avec des petites pastilles avec tous les professionnels qui sont engagés aujourd'hui auprès du parc, donc ils sont au nombre de 30. Et donc ce sont des gens qui vraiment s'engagent pour un tourisme différent en Camargue, avec des valeurs, ils ont une bonne connaissance de leur territoire, ils ont aussi des hébergements ou des prestations respectueuses de l'environnement. Ce sont des personnes aussi qui ont des entreprises à taille humaine, qui prennent du temps pour rencontrer le touriste qui vient chez lui. On appelle ça le tourisme expérientiel. Et il y a un volet éthique où ils ont quand même l'éthique parc. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses à dire encore, mais je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon.